Les petites histoires de Tell Me. Salut, moi c'est Arthur. J'habite un village qui regorge de légendes qui vont vous épater. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du sous-sol de la peur. Il y a très longtemps, tout le monde se mit à avoir peur du sous-sol de l'école. La lumière ne fonctionnait plus et de drôles de bruits s'en échappaient. Sauf que ça ne faisait pas du tout les affaires de Frida, la préposée au craie. Dès que le maître en manquait, plutôt que de descendre en cercé au sous-sol, il l'envoyait jusqu'à l'épicerie pour en récupérer. Quel que soit le temps. Un jour de grosse tempête, elle se rebella et fonça jusqu'au sous-sol, armée d'une lampe torche qui s'éteignit aussitôt. Derrière elle, la porte claqua, des centaines de petits yeux jaunes se braquèrent sur elle, plus étonnés que mauvais. Frida en profita. « Navré de vous déranger, mais il y a eu des colos dessus et des besoins de craie. » Une seconde plus tard, quelque chose poussa une boîte neuve à ses pieds. « Merci !» Après cet exploit, tous les élèves voulurent l'imiter. Le sous-sol fit alors de moins en moins peur. Les enfants remontaient presque toujours avec ce qu'ils étaient descendus chercher. Plus la peur diminuait, moins les bruits résonnaient et un jour, ils cessèrent complètement. Et la lumière revint sans que personne n'ait pu savoir ce qui s'y cassait.